Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, à l'écoute de Radio Panique. Ce soir, c'est le journal Sans Papier, qui sera rediffusé vendredi à 9h, vendredi prochain. Ce soir, le journal Sans Papier, l'émission donc avec laquelle Radio Panique tente d'accompagner, de suivre les mouvements de lutte des sans-papiers de Belgique. Ce soir, le journal Sans Papier va essayer de revenir sur l'actualité qui a marqué cette semaine. Une actualité essentiellement marquée par un mouvement de grève de la faim qui a été décidé par les occupants de l'occupation de la VUB, une des trois occupations dans les universités de Belgique. Vous savez que depuis trois mois, l'ULB, la VUB et l'UCL à Louvain-la-Neuve sont occupés par des sans-papiers. Et donc cette semaine, suite au coup de frein, au blocage brutal du processus de négociation qui était entamé avec le cabinet Turtelbaum, les occupants de la VUB ont donc décidé d'entamer une grève de la faim à partir de lundi. Et on va écouter une interview qu'on a réalisée mercredi au moment où les occupants ont décidé de communiquer, de déclarer cette grève de la faim qu'ils avaient entamée déjà depuis trois jours, en présence de représentants du bureau de l'UDEP et de l'UDEP, des occupants de l'ULB et également du CAS de l'ULB. On parlera de cette actualité et de ce son qu'on va entendre en compagnie de Mohamed Choutari, qui est lui-même membre du bureau du DEP Bruxelles, que je remercie chaleureusement d'être avec nous ce soir. Merci. Donc on va écouter cette interview. Je vous demande de pas être trop sévère avec l'élocution parfois filandreuse de votre serviteur qui était relativement fatigué. Et forcément des occupants qui étaient en grève de la faim depuis trois jours, je le répète. Bon, effectivement, je vois que le parking B, maintenant où vous êtes, est capitonné. C'est-à-dire qu'il y a des planches en bois qui ont été mises pour obstruer les passages. J'imagine que c'est par là que les voitures rentrent d'habitude. Et donc forcément c'est un endroit qui est sans doute plus chaud pour vous, et en même temps j'ai l'impression que c'est un endroit qui par rapport au parking K est plus oppressant, parce que vous n'avez aucune, il n'y a pas de fenêtre ici, c'est très... Il y a une fenêtre là-bas, au fond là-bas, ils ont dit c'est pour arriérer, pour le gaz. Ouais. Parce que normalement on a des chauffages de gaz. Mais c'est très très nuisible à la santé, c'est pour cela qu'ils ont fait une petite issue pour qu'on puisse s'aérer. En même temps, au niveau de la sensation, je trouve que c'est un espace plus réduit et vous êtes quand même nombreux. Et c'est trop petit. Je trouve que psychologiquement, c'est quand même pesant, quoi, non ? Mais c'est leur stratégie, le recteur et le directeur, leur stratégie, c'est de faire pression sur les occupants pour qu'ils sortent d'ici sans rien avoir. C'est ça leur stratégie. Donc, mais nous on fait c'est comme si on ne voit pas ça. Le combat, ce n'est pas avec lui. Le combat, c'est avec Turtelbaum, la VLD et tout le groupe qui bloque les choses, et surtout la VLD, surtout le parti raciste dans la Belgique, c'est la VLD. Bon, donc on l'a dit, c'est une situation qui est vraiment inconfortable. Vous êtes dans des parkings Vous êtes dans des parkings de la VUB depuis 3 mois. Et à cela vient s'ajouter une situation qui me paraît quand même extrêmement grave, pas seulement pour vous, mais pour les étudiants en général et pour l'avenir de la Belgique, j'ose dire, c'est que vous ne recevez pas de soutien. Oui. De cette, non seulement le recteur n'a que des parkings à vous offrir, mais en plus les étudiants ne vous soutiennent pas, si j'ai bien compris. Et j'ai même cru comprendre qu'il y avait eu un positionnement des étudiants contre l'occupation, oui, à 80%. Mais ça, j'aimerais que vous m'en parliez un peu mieux, parce que c'est une rumeur, je ne sais pas d'où, si elle est fondée et d'où elle vient. Est-ce que vous... Je peux vous donner une réponse claire à ça, parce que j'ai assisté à une réunion de l'IDEP à Cosmos. Ils ont dit qu'il y a une plateforme sur les occupants ici à la VUB. En 48 heures, ils ont eu 360 et quelques poussières étudiants qui étaient contre nous. Bon, pour nous, on n'est pas surpris, parce que vous savez, dans la vie, on est dans un système politique où tout est fermé. Parce que, et là où le bas blesse ici en Belgique, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu une table ronde où les sans-papiers, où ceux qui ont été régularisés, ont été là sur une table ronde pour discuter avec les politiques. Parce que vous voyez, c'est normal, c'est des étudiants, ils sont l'avenir de demain. Il faut qu'on leur cache beaucoup de vérité via des sans-papiers. Parce que quand tout va bien, on ne parle pas de nous. Mais quand tout va mal, on fait des sacrifices, les sans-papiers. Et c'est très dommage pour un grand pays comme la Belgique. Vous comprenez? Parce que ici, tout est basé sur un système passionnel que les politiques ont mis en place. Et c'est ça qui n'est pas bien pour un grand pays qui se dit démocrate. Et c'est très déplorable. Parce que vous voyez aujourd'hui, pour un pays qui se dit adhérent à la Convention de Genève et qui essaye de contourner une loi qui est là pour défendre les étrangers, c'est vraiment inadmissible. Enfin, je voulais vous interroger aussi sur cette fameuse journée du 13. Donc moi, vous êtes allé manifester, j'étais là aussi, on est allé devant le cabinet de Madame Turtelbaum, et vous aviez reçu des engagements comme quoi vous recevriez ce jour-là une réponse. On a, le 22 janvier, on a rassemblé tous les dossiers des gens de la VUB et l'ULB et on a déposé chez le bureau de Turtelbaum, ministre de l'immigration. Et on a parlé avec un médiateur de Madame Turtelbaum et lui, il a dit, voilà, on est prêt à négocier. Ça veut dire il accepte négocier. Donc, il nous a donné 3 semaines. J'ai moi-même proposé 1 semaine. À la fin, on a dit, voilà, 1 semaine, parce que les gens, ils sont déjà dans la merde, dans le garage. Ils ne peuvent pas continuer. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, 3 semaines, on va voir. Donc, après 3 semaines, c'était le 13, le vendredi 13. On était rentrés chez Madame Turtelbaum, hein, la délégation, avec notre avocat aussi, des deux occupations. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Le médiateur, il dit, voilà, on n'a rien pour vous, on doit attendre le circulaire. Et il ajoutait, c'est pas nous qui bloquent le circulaire, mais c'est le CDH et le CDMV et tout ça, et SP, PS, écolo, tout. Hein. Nous, avant de partir chez la VLD, chez Madame Turtelbaum, on était allé chez le Premier ministre. On était reçu par Madame Naïma Lingerie. Madame Naïma Lingerie. Qui nous a dit, voilà la position du ministre. La position du ministre, lui, il essaie de faire sortir le circulaire, mais c'est la VLD qui bloque les choses. Donc, et j'ai redit devant le médiateur, j'ai dit, voilà, c'est vous qui bloquez les choses jusqu'à maintenant. C'est personne. Le Premier ministre, lui aussi, il est très, très transparent là-dedans et qui parle vraiment directement. Non, à ce moment-là, elle a essayé de nuancer. Elle a dit non, mais nous, on veut des critères qui sont clairs. Mais quoi les critères? Les critères, c'est 5 ans, mais d'une façon légale. Qui peut avoir 5 ans ici en Belgique d'une façon légale? Donc ça, c'est déjà... Les gens, ils ont déjà les cartes. Nous, on n'a jamais rien eu. C'est ça le malheur, mais il faut savoir ça. Donc lui, il dit que les gens aient une période légale dans la Belgique. Et je crois que personne dans la Belgique n'a eu, sauf un visa, peut-être un visa de touristique. Pas de 5 ans. Et pas de 5 ans. Visa touristique, c'est juste pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, et pas plus. Donc, ça, la première des choses. Donc, la deuxième chose, c'est... Donc, il vous a proposé quelque chose qui, de toute façon, ne vous concerne pas. Elle ne concerne personne dans la Belgique. Personne ne concerne ces critères-là. Le deuxième critère, c'est les personnes malades. Les personnes malades qui sont ici malades. Et ils ont déjà... Bon, une carte ou bien quelque chose comme ça qui prouve qu'ils sont ici légalement. Aussi, troisième chose, c'est le contrat. Le contrat de travail. Moi, j'ai agi sur ce point-là. Alors, qui peut, dans toute la Belgique, qui peut déclarer un sans-papier? Le patron... Tu vas à n'importe quel patron dans la Belgique, que ce soit dans le restaurant, secteur agriculture ou n'importe quel, il ne peut pas parce qu'il doit payer une amende si le son papier s'est fait attraper dans son domaine. Le patron doit payer un mandat de 13 000 euros. 13 000 euros. Qui peuvent faire ça? Donc eux, ils sont fous de nous. Ils jouent un jeu pour ne rien donner et juste un petit peu jouer le malin avec les sans-papiers, avec les Belges et c'est tout. Donc il y a un quatrième critère, c'est les attaches durables. Les attaches durables. Il dit que plus que 5 ans, peut-être tu as des preuves de loyer, de l'électricité, des preuves médicales, des preuves, beaucoup de choses, mais à condition, j'avais dit tout à l'heure, aussi d'avoir minimum, bon, peut-être 1 année ou bien 6 mois d'un séjour légal. Dans la Belgique. Donc, on était tous vraiment, vraiment très, très fâchés contre lui. Mais il a dit, voilà, vous devez attendre le circulaire. À la fin, moi, j'ai dit à ce monsieur, vous allez savoir notre action. Et c'était notre action. C'est lui qui nous a poussés à faire ça. Et moi, je déclare maintenant qu'on est dans une grève de la faim depuis le lundi. Et nous sommes le mercredi. Donc, c'est ce que je voulais aux auditeurs. Ce n'est pas du chantage, mais c'est lui, le médiateur Tortelbaum, tout le VLD, c'est eux qui jouent le jeu de pousser les gens à faire une grève de faim. Mais ce n'est pas parce que les gens ils aiment faire une grève de la faim. Si je comprends bien, en fait, c'est un peu comme la petite fenêtre qu'on a montrée tout à l'heure. Quoi. On vous a ouvert une toute petite fenêtre en vous disant passez par là si vous voulez. Mais c'est une fenêtre dans laquelle ne passe même pas une souris. Quoi. Oui. Le jeu, c'est quoi? C'est jouer le malin jusqu'à le 7 juin. Le 7 juin, c'est les élections, les nouvelles élections, pour faire savoir que, bon, aux gens, nous sommes plus forts. Hein. C'est eux, je ne dis pas sur moi, mais eux sont les plus forts. Et qui peuvent tenir la Belgique en main. Et c'est comme je dirais, c'était la situation aussi la même dans la Hollande c'était aussi Verdonk. Peut-être tout le monde connaît aussi Verdonk et Balkanonde et les autres. Aussi Sarkozy en France, lui qui sait très très bien mentir. Hein, il sait parler bien, mais au fond, c'est dribbler, c'est dire des mensonges aux gens. Et c'est ça, donc. Omar, vous vouliez ajouter quelque chose, peut-être? Je regarde là, vous savez, ici, nous, on savait déjà le résultat. Parce que moi, la réunion de l'IDEP, j'ai évoqué ça, il était là dans le café des étudiants ici. J'ai dit à Mohamed, ne soyez pas surpris, parce que moi, je sais qu'il n'y aura rien. Et avant notre arrivée, le monsieur allait préparer son discours. Et son discours, c'est quoi? C'est regarder le volet des sans-papiers. Qu'est-ce que ces personnes-là n'aiment pas sur le contrat de travail? Déjà, il y a eu un quasi-refus à l'unanimité de tous les sans-papiers sur l'idée-là. Et ils savent qu'on n'aime pas ça. Mais il faut traîner les gens sur ça. C'est juste notre visite au cabinet de Tortolbo, c'est juste une formalité. Et sortir. Parce qu'avant notre arrivée, il y a même des médias qui ont eu écho, qui ont dû appeler. On dit non, laissez-les venir, c'est juste pour venir et ils vont sortir sans rien gagner. Vous comprenez? Donc nous, par rapport à tout ça, on comprenait déjà. Parce que même via le tour des partis politiques qu'on a fait, on savait qu'il n'y a plus une lueur d'espoir. Seul peut-être, je veux vous dire, au niveau du cabinet du Premier ministre, la sénatrice là qui disait... Naïma, là, a été au moins vraiment clair sur ses décisions. Parce qu'elle nous a dit en un mot, moi, je ne vais pas jouer avec les mots. Nous, à notre niveau, on a opté pour le circulaire. Mais, moi, j'ai souligné une question. Je vous dis, s'il vous plaît, mais nous, quand le Premier ministre a pris le dossier, pour nous, sans papier, c'était la seule personne qui nous a donné espoir pour faire bouger les choses. Mais maintenant, ça aussi, c'est jeté à l'eau. Finalement, pour nous, à notre égard, il n'y a plus de structure basée sur le rationnel. Et c'est très dommage. Et si vous voyez qu'on n'est pas à la grève de la faim, c'est parce que pour nous, on pense que c'est une arme qui est là pour désobéir à une loi qui est autiste et écrasante. Il n'y a plus moyen de discuter. Il n'y a plus de lueur d'espoir. Hier, moi, j'étais à la réunion des syndicats. Ils disent d'ici un mois, s'il n'y a rien, maintenant, c'est les campagnes. Vous comprenez? Et là, maintenant, vous voyez, tout l'espoir s'est envolé. Et quand l'espoir s'envole, vous voyez, c'est bien, il y a plein de gens qui viennent ici, ils disent non, ne faites pas la grève. Mais quand ils quittent ici, ils dorment chez eux dans des appartements au chaud. Mais il faut voir. Il faut voir là où ils ont mis les occupants ici. Et vous voyez, avec un recteur qui se plie tout le temps à des décisions, pourtant un intellectuel de premier rang, c'est pourquoi moi souvent je suis dépassé par les politiques belges. Oui, c'est-à-dire que dans une université, on s'attendrait à rencontrer plutôt des humanistes, des gens qui ont une liberté de pensée et d'action. Et en fait, on s'aperçoit que ce ne sont que des pions et des indicateurs, si j'ai bien compris, puisque ici vous êtes régulièrement surveillés, comptés. Et le ministère est directement informé de ce qui se passe ici. Donc on ne vient pas vous voir, mais on vous espionne. Voilà, c'était une interview assez... une conversation relativement longue, mais ça me semblait important qu'on l'écoute attentivement. Il y a assez de malentendus sur les grèves de la faim en général, quand elles se déclenchent. On parle de chantage, etc. J'imagine que... Elles vont être, cette grève de la faim va être abondamment commentée par les médias. On essaye ici ce soir d'en parler en écoutant les arguments donc, des principaux intéressés, c'est-à-dire des occupants de la VUB, qui ont donc déclaré cette grève de la faim mercredi. Une grève de la faim qu'ils ont entamée donc, depuis lundi dernier, suite à la manifestation qu'ils avaient faite devant le cabinet Turtelbaum vendredi 13 février. Il y a une première chose dont je voulais parler avec toi, Mohamed, c'est une impression, évidemment, tu sais bien qu'elle est partielle. Quand on visite une occupation, on n'est pas à la place des gens et on n'en tire qu'une impression, qu'une écume. Et il est évident que dans une situation comme ça, on ne comprend pas tout, même en conversant avec les gens. Moi, l'impression que j'ai, c'est que cette occupation est quand même très dure, qu'on est dans des sous-sols, des parkings. C'est pour ça que j'ai essayé d'insister sur ces points-là en posant des questions. Ce sont des sous-sols, des parkings. On se chauffe au gaz, c'est pas très efficace et c'est plutôt dangereux. Ça fait 3 mois que ça dure. Il me semble que c'est des conditions qui sont quand même dures, quoi. Les migrants peuvent être des warriors, quoi, mais là, il y a quelque chose quand même d'assez hard, surtout quand, en plus, on a l'impression qu'on est vraiment pas du tout bien accueilli, voire qu'on est comme ça dans un climat d'hostilité, que ce soit du point de vue de la direction de la VUB ou des étudiants. Même si, je le précise, il y a quand même des étudiants qui soutiennent cette occupation, mais ils ne sont pas du tout dans les mêmes proportions que l'ULB, par exemple. Donc il me semble que l'ULB n'est pas du tout un paradis, je veux dire, l'occupation du gymnase n'est pas facile à vivre non plus. Mais est-ce que tu ne crois pas que ces conditions ont très fortement joué sur le déclenchement de cette grève de la faim et sur le sentiment que peuvent avoir les occupants de la VUB d'avoir été un peu remisés dans un endroit et oubliés un peu par le reste des occupations? Oui, peut-être les circonstances ont accéléré la décision de guerre de la faim, mais la guerre de la faim, elle était toujours présente là. Même au début, lorsque ce mouvement a commencé, il s'est déclenché mi-octobre, l'année passée. Et à cette époque-là, mi-octobre, c'était tout le monde, 14 octobre précisément, tout le monde attendait une déclaration de Le Terme. Et alors, Le Terme, il a fait sa déclaration, aucun mot sur son papier, parce que c'était dans un contexte de crise financière internationale et tout ça. Et à ce moment-là, le mouvement n'avait pas encore commencé. Il y avait des intellectuels et des personnalités belges qui sont connues, qui avaient l'intention de faire la grève de la faim. Donc, et alors justement, que ce mouvement a commencé avec l'idée d'occupation, ça a commencé avec Travel et tout ça. Ça a donné un peu de l'espoir à ces personnalités belges qui allaient faire la grève de la faim. Et les premiers assemblés de son papier pour voir analyser l'absence de son papier dans la déclaration de Premier ministre, les premiers assemblés, ils ont compris que s'ils ne bougent pas, tout est reporté après les élections régionales de juin, parce que tout le monde a compris que le VLD, il est sensible, l'électorat en Flandre, et donc il ne peut pas se permettre un suicide électoral. Et tous les autres partis se sont retranchés derrière VLD, et les associations aussi, ils suivent CDH, PS, et tout le monde s'est retranché. Donc là, on s'est retrouvé dans une situation où l'électorat en Flandre, il bloque tout, et tout le monde va bloquer, personne va bouger, il faut bouger. À ce moment-là, les premières assemblées sont papier, ils ont décidé passer à la visibilité, parce que c'est la seule qui va leur permettre d'imposer leur dossier sur la scène politique, parce que s'ils ne le font pas, il n'y a personne qui va le faire. Et les premières assemblées, ils étaient toujours partagés entre on doit parler de la grève de la faim maintenant. Et alors, la grève, elle était toujours reportée, donc parce que on n'a pas encore occupé, il faut d'abord parler de l'occupation. Il faut d'abord occuper, puis après, lorsqu'on occupe, peut-être les gens qui sont ici maintenant en train de se rassembler, ils seront fatigués au moment où on sera occupé, on verra si... Alors, on s'organise pour l'occupation. L'occupation, ils ont commencé Electrabel. Electrabel, c'était pas facile. C'était un accueil au début. Ils allaient signer une convention avec le propriétaire, et puis après, tout d'un coup, transformation radicale. Nous, on soupçonnait qu'à ce moment-là, les partis ont intervenu auprès du je sais pas quoi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, parce que on allait signer la convention, il y avait de l'avocat et tout ça. Mais après, changement radical, évacuation, et puis il y avait négociation, à un certain moment, évacuer, puis... à ce moment-là, ils étaient tous seuls. Il n'y avait pas de solidarité, il n'y avait pas de soutien. Il y avait seulement quelques personnalités sensibles à la question qui suivent. Avec les étudiants de l'ULB, CAS, qu'ils ont soutenu, ils sont allés à l'ULB, ils ont occupé. Après, l'ULB, discussion, il a toléré. Jusqu'à maintenant, c'est toléré. Il y avait tout un groupe qui voulait encore rejoindre ce groupe-là. Et ce groupe-là, on a planifié aussi. Il y avait du boulot. Planifier le VULB, ils sont allés, ce groupe-là, ils sont allés occuper, ils étaient dans la liste d'attente, donc c'était à la VULB. Et alors, et à chaque moment, la grève de la faim, elle était là, vivante. C'est-à-dire, le boulot, il est fini, on doit faire la grève de la faim. Donc, et alors, c'était, le boulot n'est pas fini, il faut rassembler le dossier, tout ça, les déposer, c'est, parce que, si tu as une revendication, il faut définir l'interlocuteur. L'interlocuteur, c'est la ministre. Donc, la ministre, il faut être concret, qui sommes-nous. Et alors, le 22, ils ont déposé les dossiers. Le 13, peut-être ça a accéléré le temps, peut-être les circonstances aussi de la vue B aussi. C'est difficile. Mais le 13, c'était prévu parce qu'il y avait à la vue B une assemblée le 12 le soir. Ils se sont préparés tous les occupants par rapport au 13. Et là, c'était dit que la ministre, elle a déjà déclaré faillite. Elle est dépassée par les événements. Il ne s'attendait pas à cet élan de solidarité, de soutien. Donc. Le premier ministre, maintenant, il a le dossier. Depuis fin de l'année passée, il a pris le dossier et il s'est engagé à trouver une solution plus vite. Maintenant, depuis la fin de l'année jusqu'à maintenant, au plus vite, ça fait maintenant plus 5-6 semaines. Ça veut dire que c'est une patate très chaude. Ils n'arrivent pas à se décider à l'intérieur du gouvernement. Donc, le 13, on savait que la ministre, il n'y a rien dans tout ça. Donc, l'essentiel, les dossiers sont dans l'instance qui est concernée. Mais, et elle, il va dire qu'il attend des instructions parce que l'accord, il est là, mais la mise en œuvre n'est pas encore claire. Et alors, on savait, déjà le 12, dans l'Assemblée, c'était dit que demain, il n'y aurait rien. Donc, et alors, c'était des discussions, comment, quelle piste. Et alors, ils discutaient ensemble. Hein. L'ULB, ils ont des délégués, VUB, ils ont des délégués, l'UCL, ils ont des délégués. Ils discutent ensemble sur la meilleure manière de continuer. Donc, le constat, c'est que le chemin qu'ils ont fait, ça a inspiré beaucoup de nouvelles solidarités, nouveaux soutiens, un élan. Il y a beaucoup de choses. On a une plateforme interuniversitaire qui essaie de sensibiliser les profs et les étudiants. Il y a une plateforme entre les étudiants. Il y a en Flandre plein de comités qui se créent, toutes les autres universités. La Flandre est en train de bouger. Donc, et c'est juste le début parce que ils ont passé par une longue période. Novembre, c'était les fêtes religieuses et tout ça. Décembre, c'était le froid et les fêtes. Les étudiants étaient dans. Et alors tout ça, c'était sombre. C'était très difficile. Après décembre, janvier, c'est-à-dire c'est les étudiants étaient en examen. Donc et puis après il y avait les vacances et seulement maintenant début février que la vie a commencé. C'est normal, c'est le début de la vie. C'est maintenant février. Donc, avec le début de la vie, maintenant en février, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a des associations qui se mobilisent pour une journée nationale le 18 mars, il y a les universités. Donc, tout ça, c'est énorme, mais c'est encore embryonnaire. Et puis, dans ce contexte-là, les trois, ils ont défini un plan de. À court terme, c'est... Les trois occupations. Ça veut dire l'UCL, l'ULB, parce qu'il n'y a pas que le VUB, c'est trois universités qui sont occupées, donc... Oui. Et alors, entre trois, il y a des délégués qui discutent. Et alors, là, maintenant, il y a la VUB, les principaux, et l'ULB. L'ULB, il a choisi de continuer sur la voie politique, parce que ce soutien, cette solidarité, il faut peut-être que pour le moment, il n'est pas orienté pour la défense. Il n'est pas ce centre de gravité. Peut-être que le centre de gravité, il est un peu par l'associatif, il est déplacé. Ça aussi, ça joue. Donc, l'associatif, là maintenant, c'est en fait le 18 mars l'accord. On veut un circulaire, on veut la mise en œuvre de l'accord, on veut des lois, mais on parle pas des dossiers de ces gens-là. Donc c'est des êtres humains qui, ça fait 4 mois, qui sont en train de montrer une intelligence, une citoyenneté extraordinaire. Ils ont mis un œuvre inédit en Belgique, dans l'histoire de la Belgique, et ils se sentent comme si l'associatif, ils ont d'autres objectifs. Donc, et alors, on ne parle pas de eux, ça a joué. Et alors, ils ont choisi c'est-à-dire l'interlocuteur, c'est le ministre, il a fait faillite, oui. Il est dépassé. C'est grâce à leur résistance, à leur lutte et leur acharnement et leur dossier, il est sur l'agenda politique. Donc, là maintenant, il faut visiter le Premier ministre. Parce que le Premier ministre, maintenant, on est à part égale, même si c'est un gouvernement, c'est la Belgique, c'est des êtres humains. Ils sont en train d'improviser. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Parfois, ils disent contrat de travail, ils ne s'entendent pas. Ils disent, l'autre, il lui dit, si tu veux contrat de travail, moi, je veux que, c'est-à-dire l'activation du chômage, c'est associé avec le chômage ici en Belgique. L'autre, il lui dit, non, moi, je veux, c'est-à-dire migration économique. Chacun tire ses intérêts, il devient comme nous, quoi. C'est-à-dire... Ils sont en train d'improviser, ils ont pas un plan. Ils ne savent pas gérer. C'est un gouvernement qui ne sait pas gouverner, qui ne sait pas trouver des solutions. Il est en train de chercher n'importe quoi et faire avaler n'importe quoi. Et à un certain moment, il joue sur l'enlisement, que les gens se désespèrent, se fatiguent. Il joue sur la peur, mais il n'y a rien de sérieux sur le gouvernement-là. Ça veut dire ce gouvernement, le Premier ministre, il faut le confronter. Ça veut dire tout cet élan de solidarité et tout ça, il faut l'orienter vers le gouvernement pour le moment, parce que les papiers, s'il y a mal aux dents, tu vas chez le dentiste, et là, les papiers sont chez le Premier ministre, il faut viser le Premier ministre. Donc, pour l'ULB, il croit encore en ça. Mais, ça, il croit en ça, il y a des conditions pour continuer, parce que sans ces conditions-là, ils peuvent pas continuer, et là, ça mène le désespoir. Les conditions, c'est qu'ils peuvent pas continuer tout seuls. Ils ont besoin d'un soutien sérieux. Un soutien, mais sérieux, pas un soutien, ça veut dire, c'est des travailleurs, c'est des travailleurs que ça fait 4 mois qu'ils sont en grève, parce que la plupart de eux, ils avaient des boulots et machin, ils ont arrêté tout. Oui. Et ils sont déterminés, ils sont là en train d'occuper, construire leur vie, nouvelle vie, d'une nouvelle solidarité et d'une nouvelle inspiration pour tout le monde, et pour les étudiants, et pour les profs, et pour les artistes, et bientôt pour l'associatif, et pour les quartiers, forte concentration d'immigrés. Et c'est juste le début, parce que c'est début février, on vient sortir de tout ce froid, les choses commencent à... Et alors, ce qu'il faut, c'est que les syndicats, c'est-à-dire défendent ces travailleurs sérieusement. Les syndicats, c'est-à-dire officiellement, prennent les dossiers et aillent négocier avec le gouvernement à côté de son papier. Et ça, c'est-à-dire les occupants de l'ULB, ils estiment que c'est une piste qu'il faut encore suivre. Donc, ils sont en train de négocier avec les syndicats. Maintenant, les syndicats... C'est à eux de comprendre. Est-ce que pour eux, c'est des travailleurs? Parce que dans les manifs, on les entend tous dire les travailleurs, tout ça. Et maintenant, c'est des concrets. Oh. Ils veulent pas des discours. Ils veulent pas que leur discours, il y a le forum d'Asie, d'immigration. Non, il y a, on comprend pas ça. On veut des hommes solides, solidaires, mais debout. Et qui vont confronter le gouvernement. Là maintenant, c'est-à-dire l'ULB, ils n'ont pas voulu cracher sur ça. Ils ont voulu donner la chance sur ça. Maintenant, à la VUB, peut-être ils ont une autre intelligence. Peut-être que ça pourrait amener. C'est-à-dire c'est respectable ce qu'ils sont en train de faire. Seulement, il y a un débat entre ULB, UCL. On respecte ce débat-là et c'est cette diversité-là qui enrichit le mouvement. Maintenant, eux, qu'est-ce qui motive ça? Parce que ils ont raison quelque part. Parce que ici en Belgique, l'histoire, l'expérience a montré que seule la grève de la faim qui régularise. La grève de la faim est devenue en Belgique un critère de régularisation. Ça veut dire l'année passée, il y avait 4 occupations. Tous, ils ont fait 50 jours, 45 jours et ils ont reçu pas des 4-6 jours, c'est ça qu'il faut pas se tromper. Ça veut dire, et c'est une politique aussi, un autre côté sadique du gouvernement belge. Ça veut dire que le gouvernement belge, il veut pas t'accueillir en pleine santé. Il veut faire grève de la faim, 45 jours, 50 jours, ça dépend combien ton corps peut tenir jusqu'à ce que tu aies un certificat médical. Et alors, avec certificat médical, il va pas te donner le 4-6 jours, il va te donner une attestation d'immatriculation. Il te donne une matricule pour circuler 3 mois non renouvelable. Et après, il faut faire valoir ça. Sauf, ça dépend de où, de eux. C'est-à-dire, c'est des hommes et ça dépend de leur détermination. Parce qu'il y a l'expérience, par exemple, de béguinage, ils ont reçu la carte de séjour cirée. Ça veut dire que ils ont tranché sur le fond. Ça veut dire que c'est une régularisation. C'est pas comme l'attestation d'immatriculation. C'est une recevabilité pour te permettre de aller te soigner. Mm-hmm. Et dans 3 mois, si tu viens tu y soigner, tu n'auras rien. Mais ça veut dire que là, ils rentrent dans une stratégie un peu de confrontation directe. Ça dépendra de ce que eux. Et malheureusement, c'est une action collective. Et ça va être traité individuel sur base de des médecins qui vont venir, qui vont délivrer des et voilà donc et cette manière de fonctionner elle n'est pas exclue dans les autres universités. Donc nous il y a une diversité, on soutient toute cette diversité là. Et voilà, on essaie de voir avec les syndicats. Maintenant, c'est les syndicats qui doivent dire est-ce que ils peuvent venir négocier avec les grévistes et donner des perspectives à tout ça, ou bien voilà, ça, on va tendre vers quelque chose que déjà on a déjà vu en tout cas. Tu parlais du 18 mars tout à l'heure. Il faut peut-être rappeler ce que représente le 18 mars qui va venir et le 18 mars qui a été en 2008. C'est en fait une date anniversaire pratiquement. C'est l'accord qui est du 18 mars. C'est l'accord, oui. C'est quelque chose qui est formidable. C'est une victoire parce que l'accord c'est pas un cadeau. C'est parce que ce mouvement-là il vient pas d'octobre, il vient pas d'hier. Ça fait 3 ans que ce mouvement non-stop, c'est constant. Donc chaque année, c'est-à-dire on squatte les médias, on squatte l'opinion publique. On est là. Ils ont commencé à avoir marre. L'accord, c'était une victoire en soi. Maintenant, ici en Belgique, on traîne toujours, donc on laisse traîner les choses. Donc il y a l'accord, ils étaient imposés, il est là, le gouvernement il est obligé de tenir sur quoi il s'est accordé, mais la mise en œuvre, il traîne. Ouais. Il traîne. Maintenant, ouais. On a l'impression qu'il y a un conflit aussi sur le contenu de l'accord et sur ces fameux critères, parce qu'il y avait quand même un détail de... Il y avait une série, il me semble, de ce que j'avais noté, c'était qu'il y avait 4 critères dans cet accord qui étaient liés à ce qu'on appelle les attaches durables, la prise en compte des longues procédures, une sorte d'examen de la régularisation par le travail. Donc dans l'accord maintenant, tel qu'il se discute maintenant, ouais. C'est il faut 5 ans. Il faut 5 ans. Avoir résidé 5 ans. Il faut 5 ans. Longue procédure en cours, c'est-à-dire demande d'asile, puis conseil d'État, ou bien aussi. Régularisation 5 ans, ou bien famille 4 ans, avec enfant 4 ans. Mais la règle c'est 5 ans. Et pour les autres qui n'ont pas été dans des procédures, les illégaux c'est aussi 5 ans, mais avec une condition séjour légal supérieure à 3 mois. Ouais. Et exclut les étudiants. Ça veut dire ils excluent ceux qui vont, ils sont venus en visa touriste 3 mois, ouais. Et ils excluent les étudiants. Et ça veut dire 3 mois, c'est il faut avoir plus que 3 mois. C'est ce qui se discute maintenant. Mais c'est ça. Et puis il y a la régularisation par le travail. Et là, ils n'arrivent pas à s'entendre. Il y a rien là-dedans, régulation du travail, parce que ici, il est associé à l'activation des chômeurs ici, il est associé à la migration économique, et là, ils s'entendent pas, et ils se retirent, ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc, le contrat de travail, il n'est pas négocié il n'est pas là dans l'accord. Maintenant, c'est 5 ans, ils sont plus ou moins, globalement, ils voient 5 ans, et avec la condition 6 jours légal plus 3 mois, et effectivement, comme ils ont dit, ça tout le monde a compris. Ça veut dire qu'il n'y a pas de régularisation. Les plus que 100 000 personnes qui vivent ici, oui. Ils vont continuer à vivre dans cette extrême vulnérabilité. Tout ça, c'est ça ce qu'ils veulent, les politiques. Ils ne veulent pas trouver une solution. Oui. Et comme j'ai dit, ils sont en train d'improviser. Et nous aussi, on est en train d'improviser. Donc on se sent toujours dans une labyrinthe. Il y a chaque fois quelqu'un qui nous dit, voilà le chemin, on le suit, on se trouve devant l'impasse, on suit le chemin. Puis maintenant, il y a l'histoire des grèves, qui montre clair comment ça va se passer, c'est horrible. Donc il faut attendre tout le monde. Maintenant le ministre il va attendre l'office étranger, c'est elle qui va s'occuper et il va prendre leur dossier et elle croire où ce qui va venir et puis les médecins ils vont donner des rapports, lui il va attendre qu'il y ait des certificats médicaux sérieux pour justifier le traitement, voir s'il est recevable la demande que lui il demande et puis voir si c'est recevable et pour que ta santé individuelle si ton demande se dégrade. Ça veut dire il faut 50 jours, 60 jours, donc c'est horrible, c'est-à-dire je comprends pas pourquoi ils veulent que tu sois malade, entamé, pour que on te permet finalement d'avoir 3 mois, et peut-être ça dépend des rapports de force, on va te renouveler ou pas te renouveler, alors que ben, les politiques ils sont là pour gouverner et pour trouver des solutions à une situation qui ne fait que durer. On va écouter encore un son pris à la VUB, toujours ce mercredi. Pour en venir à cette grève de la faim, donc, en fait, ça fait 3 jours que vous êtes en grève de la faim, mais c'est vrai que vous venez de le déclarer à tout le monde, et notamment à l'UDEP, aux représentants de l'UDEP-ULB qui sont venus vous visiter tout à l'heure, et vous faisiez référence à ce débat. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que cette grève de la faim risque d'enrayer le processus politique, dont vous pensez apparemment, si je comprends bien, que de toute façon il n'aboutira pas. Vous n'avez plus foi dans le processus politique qui a été lancé. Vous pensez que la négociation n'aboutira pas. Mais est-ce que ce n'est pas un peu un constat d'échec ? Par rapport à notre position et vu ce qu'on voit aujourd'hui, ces gens comme vous, comme tous ceux qui sont là avec nous, ce n'est pas eux qui votent pour ces personnes-là. C'est ça le problème, c'est ça qu'ils doivent comprendre. Si vous ne votez pas pour ces gens, c'est des personnes qui sont là, des vrais, comme on dit, des suivistes, via leur base. Eux, ce qui compte pour eux, c'est leur électorat. Ce que Beaumont va dire, ça ne leur dit rien. Donc on a regardé, on a observé, on a vu toutes ces bonnes personnes de bonne volonté. Mais il n'y a plus d'ici parce qu'ils ne donnent même pas l'occasion. Malgré toutes les pétitions qu'ils font, nous on sait que ça ne peut pas aboutir. Parce que c'est des gens fermés. C'est un bloc qui est là, qui réfléchissent toujours en fonction de leur coloration politique. On ne peut pas les changer, ils sont dogmatiques. C'est ça le problème. Okay. Je me présente, je m'appelle Marwan, un des porte-parole de la VUB. En fait, c'est juste pour vous ajouter que depuis la rentrée de 4 décembre ici à la VUB, on a eu des contacts avec Turtelboom, le médiateur, les 3 médiateurs, ils étaient ici, ils étaient en contact avec Turtelboom. On a vu ça et tous les occupants, quand le recteur elle a pris son GSM et elle a appelé Madame Turtelboom devant nous, elle a laissé un message directement, bien sûr. Elle a laissé un message et après, ils étaient en contact, quoi. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est resté là sans rien dire. Mais on cherche sur Internet pour la direction, pourquoi ils sont contre nous. On a reçu quelque chose d'Internet, c'est que la direction, c'était des libéraux. Des libéraux, l'OpenVLD. Il y avait une réunion, c'était le mois passé. Il y avait les porte-paroles qui sont partis. Il a dit le recteur qu'il a vu Turtelboom personnellement. Elle a parlé. Ça veut dire qu'ils sont en contact. Ils sont en contact. Ils savent qu'il y a des sans-papiers ici à la VUB. Ils sont au courant de tout. Tous les politiciens sont au courant, CDH, PS, MR, VLD, bien sûr, ils sont au courant de nous. Mais c'est toujours le problème des élections. Quand vous savez, les élections, ça rapproche. Alors le circulaire, moi je suis sûr et certain, et je le dis de propre cœur, le circulaire ne va jamais sortir avant les élections législatives en juin 2009. Parce que chaque parti a eu peur de perdre l'espoir, quoi. Les maires ne peuvent rien dire. C'est elles qui disent les attaches durables. Les CDH, ils proposent le contrat de travail. Eux, ils ne peuvent vraiment rien dire. Ils ont eu peur, quoi. Bah, c'est ça ce que je veux dire. Le circulaire, je le redis, ne va jamais sortir avant juin. Et voilà. Nous, on est mieux placés pour savoir ce qui est bien pour nous. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que les sans-papiers ne seront servis par eux-mêmes. C'est à nous d'entamer la négociation, même s'il y a négociation. Ce n'est pas pour rien qu'on est là, un bloc soudé. Nous, le jour J, on saura ce qui est bien pour nous. Nous, on ne sait pas aujourd'hui ou demain, mais dans tous les cas, on est là, on a fait un bon choix. Par rapport à tout ce que les gens disent, nous, on est préparé à toutes les éventualités et on sait ce qui est bien pour nous. Donc pour ça, de grâce, ceux qui sont avec nous, de nous soutenir, c'est la seule chose qu'on leur demande. Voilà, c'est Omar qui parlait. On a entendu Abdessamad avant. Tous les deux sont représentants des occupants de la VUB, du parking B, de la VUB. Si vous voulez les soutenir, c'est un parking qui se trouve devant la Citibank comme repère. On a entendu Marouane aussi dans ce reportage qui a été enregistré mercredi. Je voulais qu'on écoute cette parole qui est quand même, qui est dure aussi parce qu'elle contient, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on voit que le processus politique, ils n'y croient plus. Ils n'y croient plus. Et donc ils ont rompu effectivement ce processus politique, tout en maintenant une stratégie qui est la leur, quoi. Mais comment est-ce que toi tu analyses le fait que le mouvement se soit malgré tout désolidarisé comme ça? Est-ce que c'est simplement que deux occupations, c'était difficile à articuler? Est-ce que, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça dépend où est-ce qu'on se place. C'est-à-dire pour nous, il y a pas de désolidarisation. C'est-à-dire depuis le début, on était là, plusieurs diversités cette diversité qui a fait que ce mouvement il est encore vivant. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que on se trouve dans un labyrinthe depuis le début. Depuis le début, on est dans un labyrinthe. On fait du chemin. Et alors, on se trouve devant des impasses, et c'est tout le temps des impasses. Et puis, on fait à droite, à gauche, on connaît pas, il n'y a pas de recette dans tout ça. Chacun fait. Alors, à un certain moment, on voit que c'est cette direction, et puis les autres, nous, on voit d'autres directions. Peut-être les deux directions vont pas mener. Peut-être que, mais l'essentiel, c'est qu'il n'y a pas de désolidarisation. Il y a tout un débat à l'intérieur de VUB, tout un débat à l'intérieur de l'UB, tout un débat à l'intérieur de l'UCL. Il y a un respect chacun pour son action. Ils sont en train de s'observer. Peut-être que les autres, ils vont voir que l'autre chemin, il est en train de se débloquer. Ils vont atterrir quelque part, parce que dans tout ça, il faut savoir atterrir. Peut-être qu'il y a une détermination extrême. Les autres, ils vont voir cette détermination extrême, ils vont suivre. Et c'est, y a personne qui, c'est un processus participatif. Et chacun, et le but, c'est ça, c'est qu'il y a une autonomisation d'action, qu'il y a une diversité d'action. Parce que c'est la seule manière de confronter ce gouvernement. C'est-à-dire, ce gouvernement, tu peux pas le confronter avec une organisation centrale qui dicte le comportement de tout le monde. C'est-à-dire, c'est le chemin qui définit pour chacun quelle direction il va suivre. Le chemin jusqu'à maintenant, on est dans un croisé de chemin. Et alors, il y a juste, ça fait tout, c'est tout frais. Il y en a qui réfléchissent dans ce chemin, il y en a qui réfléchissent dans ce chemin. Peut-être que les autres vont rejoindre l'autre. Ici, il y a tout un débat. Il y a rien de désolidarisation. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le mouvement de soutien entre les étudiants et les profs ne fait que se consolider. Et ce qui est intéressant, c'est que cet élan de solidarité, cette évolution, cette inspiration, cette nouvelle solidarité, ils sont tous les deux en train d'essayer de la ramener vers leur centre de gravité. Parce que le 18 mars, justement, ils voulaient changer le centre de gravité. Et là, maintenant, ils veulent tendre le centre de gravité de tout ce soutien-là, qu'il soit pas récupéré pour autre chose. Ils essayent de le ramener vers eux. Les autres, ils veulent ramener les syndicats pour soutenir leur dossier. Et eux, ils veulent ramener tout sur leur corps et qui va aboutir parce qu'il y a une expérience. Ça, parce qu'il y a une expérience, c'est facile de dire que maintenant, que la seule issue, c'est la grève de la faim. Mais les autres, peut-être qu'ils voient un autre chemin. Peut-être si on implique les syndicats, ça va donner un autre perspective. Et ils verront. Et puis après, c'est toujours le chemin extrême, il est toujours là. C'est-à-dire, c'est éminent, c'est parce que il y a blocage partout. On est dans un pays où le gouvernement sait pas gouverner. Les gens qui gèrent, ils n'arrivent pas à trouver une solution, parce que la solution, c'est pas dire 5 ans, 6 ans, ou bien c'est, il y a plus que 100 000 personnes. Ils vont donner. Ça, c'est l'année passée. Ils ont voulu nettoyer le mouvement. Il y avait 5 occupations, tous les cadres, les personnes qui étaient mobilisées et tout ça, ils étaient dans ces occupations. Ils ont dit, on va leur dire des attestations de matriculation, et ils vont Et alors ils vont être occupés avec ça au lieu d'être occupés avec l'occupation. Donc et alors maintenant ils sont en train de perdre les 3 qu'ils ont reçus. Donc c'est alors qu'est-ce qu'on dit? On dit au moins on a ça et puis après on verra. Avec ça on peut avoir un contrat de travail. Donc c'est une piste. L'histoire a prouvé qu'il est là. Et alors ils peuvent l'attester. Et alors mais les autres ils ont dit peut-être qu'il y a d'autres pistes. Peut-être ici en Belgique, on va finalement comprendre que ça va pas arrêter. L'année passée, ils ont donné à tous les occupations. Cette année, quoi, ils vont donner à tous les occupations. Ça va pas arrêter. Les autres, ils vont venir. Et alors, ça fait maintenant 3 ans que ça dure. Et ça va pas arrêter. Et c'est plus que 100 000 personnes en permanence. C'est une société qui vit ici. Il y a 10 enfants. Il y a que maintenant que 1 000. Qui sont mobilisés, dont 100 qui est à la VUB. Et ces 1 000-là, ils n'est pas encore arrêté. Mmh. Et il y a plus que ça. Oui. Plus que ça. Et ça va pas durer. C'est ça l'essentiel. Sinon, maintenant, c'est une richesse de réflexion. Et le but, c'est ce qu'il y a des autorisations, qu'il y ait cette diversité. Il y a aussi le béguinage qui n'a, son histoire n'est pas liée directement à ça. Et c'est très bien. Il y a d'autres initiatives qui vont surgir. Et il faut cette diversité. Okay. Parce que, du moment aussi central, c'est contrôlable et ce mouvement-là, et les faits, il ne doit pas être contrôlé. Ok. Merci beaucoup, Mohamed, pour ces réponses et cet éclairage, quoi, en tout cas. C'est pas un sans-papier qui était très, très agréable à faire, parce que on préfère annoncer des bonnes nouvelles, vous savez. Je vais essayer de vous donner quelques informations. C'est des brèves, évidemment, de nos voisins européens. En France, il y avait ce matin un article dans Le Monde qui était pas mal intéressant, pour une fois. C'est un journaliste qui s'appelle Luc Vinogradov qui nous renseignait sur ce que coûte l'intervention d'une expulsion, lors d'une expulsion ou d'une reconduite aux frontières. Parce que ça coûte à l'État, ça on en parlait précédemment, ça coûte très cher d'expulser les gens en France, mais ça peut coûter aussi aux gens qui résistent, parce que maintenant la résistance est un délit d'incitation à la rébellion, ça s'appelle comme ça, et ça peut coûter 2 mois de prison et 7 500 € d'amende, c'est des peines maximales. Il y a aussi un délit qui est le délit d'inviter à faire débarquer la police et son prisonnier de l'avion, et ça, ce délit-là, il est pénalisé 18 000 € d'amende et 5 ans de prison. En vérité, c'est des peines qui sont rarement appliquées pour l'instant. La justice, pour l'instant, en général, passe outre. Mais alors, comme on n'est pas du tout content que les arrêtés de reconduite à la frontière aient augmenté en France, alors que le nombre d'expulsions effectives soit plutôt en baisse, notamment grâce aux gens qui résistent à l'expulsion des sans-papiers par avion. Et bien maintenant, on distribue un formulaire à l'entrée des vols qui sont concernés par des expulsions, avec la menace de ces peines dont je vous ai parlé. Voilà, c'est une nouvelle qui était dans Le Monde, et vous pouvez trouver ce formulaire en question. Donc après les caméras de surveillance qui vous disent de ne pas jeter votre chewing-gum sur le trottoir, vous avez maintenant les peines que vous encourez en montant dans un avion où on trouve assez intelligent d'expulser des Sénégalais en Centrafrique. Ça, c'était pour la France. En Italie, on a appris des nouvelles qui sont pas très réjouissantes non plus de Lampedusa. Enfin, réjouissantes ou pas, je ne sais pas. C'est assez lacunaire ce qu'on arrive à en savoir. Il faudra en savoir un peu plus. On sait qu'il y a un incendie qui s'est déclaré dans un des 4 pavillons du nouveau centre d'identification et d'expulsion de Lampedusa. Cet incendie qui a éclaté et qui a donné lieu à des affrontements entre les prisonniers et ce que Le Monde appelle les forces de l'ordre. Je ne sais pas si le mot est très bien choisi, on appelle pas ça vraiment l'ordre, mais bon. Cet affrontement qui a fait pas mal de blessés et qui a donné lieu à apparemment des manifestations des voisins qui sont pas du tout d'accord contre ce qui se passe dans ce centre d'expulsion où il y a 1 000 personnes depuis un mois, dont des gens qui ont essayé de se suicider il y a pas très longtemps. Voilà, ces nouvelles pas très réjouissantes. Le processus politique de lutte des sans-papiers de l'UDEP continue, quoi qu'il en soit, avec cette grève de la faim de la VUB, que je vous encourage à rejoindre, je veux dire, à aller soutenir. Je pense que les gens qui sont à la VUB et qui entament cette grève ont grand besoin qu'on les visite. Pas forcément qu'on les embête non plus, mais qu'on les visite. Et vous savez aussi que il y a une occupation à l'UCL, donc à Louvain-la-Neuve, et à l'ULB, qui continuent leur chemin, en préparation donc des manifestations aussi qui auront lieu le 18 mars, c'est-à-dire un an après la signature de l'accord du gouvernement. Voilà, c'était le journal sans papier. Merci encore, Mohamed. Merci à vous. Et à bientôt. Papier, solidarité, même si tu traites sans papier.